Il en faut pas gros pour perturber l'humain. J'ai déjà dit que lorsque je gagne un disciple, je perds un ami. Et je préfère travailler avec des amis. C'est moins têtu qu'un disciple. Bon, bien allons-y avec les papiers. Bien vite, il faut qu'on réponde. On se mette deux. Puis un qui répond par là, puis l'autre par là-bas. Dieu avant l'homme ou l'homme avant Dieu? Dieu est-il la création de l'homme ou l'homme la création de Dieu? La réponse, c'est les deux choses sont exactes. Alors, Dieu est arrivé avant l'homme et l'homme est arrivé avant Dieu. Et Dieu est la création de l'homme et l'homme est la création de Dieu. Bon, je ne sais pas si ça répond. Alors, il y a un phénomène créationnel, intentionnel, qui engendre une mécanicité. Et l'un des résultats secondaires de ce qui a été engendré est le temps. Et dans le temps, il y a densification de l'énergie. On va appeler ça supra-énergie. Les mots rendus à ce niveau-là deviennent un peu problématiques. Certains appellent ça Dieu. À ce niveau-là, la réaction engendre le temps et l'espace, qui va s'appeler création. Et dans la création, il y a de l'effusion. J'en ai parlé au début de l'année 88. Et cette effusion-là va être une densification de phénomènes qui vont engendrer l'énergie et qui, finalement, de densification en densification, bref, pénétration dans un super univers, un univers, une galaxie, un système solaire, un système planétaire, engendrer la matière. De la matière va naître l'accumulation de ce qui descend. L'accumulation de ce qui descend engendre l'animation de la matière, la vie. L'accumulation dans la vie engendre le désir ou l'émotivisation de l'expérience, l'âme. L'accumulation d'énergie dans l'âme engendre la conscience de la présence de l'âme et va engendrer finalement l'intellect. L'accumulation d'énergie dans l'intellect engendre le mental. L'accumulation dans le plan mental engendre un savoir instantané, le premier palier des cieux, appelé aussi intelligence supramentale ou esprit saint. L'accumulation dans ce phénomène engendre ce que l'ésotérisme appelle le plan bouddhique, qui va être de l'amour non coloré par l'émotion de l'âme, un amour sans émotion, ce qui, exprimé par l'intelligence supramentale, porte le nom que je lui ai donné, l'amour intelligent. Et l'accumulation à l'intérieur de cela engendre une intentionnalité qui dégage totalement l'homme de son assujettissement à une mécanicité où le libre-arbitre est absent. Et ce phénomène est l'intentionnalité. Émotivement, théologiquement, on parle du Père, la volonté. Moi, j'appelle cela l'intentionnalité, mais c'est la même chose. On parle du Fils, l'amour, plan bouddhique, ésotérique, c'est la même chose. Et on parle du Saint-Esprit, l'intelligence instantanée, l'intelligence active, c'est la même chose. Mais ces trois paliers sont la copie conforme de quelque chose qui a engendré la création, que certains peuvent peut-être appeler Dieu. Mais de coloration en copie, de copie en coloration, on arrive dans le contexte planétaire, où il y a des mémoires, des archétypes, des vieilles formes. Et à partir de l'accumulation d'énergie, comme les feuilles s'accumulent les unes sur les autres, ça engendre quelque chose qui grandit. On appelle cela l'évolution après l'involution, l'effusion. On appelle cela l'évolution, la fusion, bon, dépendant des mots. Lentement, à travers cette évolution, l'homme, pour supporter sa condition, va lire dans les vieilles formes ce qu'il était à l'origine et, du point de vue humain, émotivement, en train d'expliquer l'univers, il va engendrer dans le monde de la mort le ciel, c'est en delà des cieux, il va engendrer les copies de lui-même et les copies de ses mémoires et il va créer les dieux à son image et à sa ressemblance. Alors, si on veut dire que Dieu crée l'homme, ça ne me dérange pas, et l'homme crée aussi des copies des dieux, bien souvent, c'est Dieu placé dans le ciel que l'homme va prier et adorer. Adorer veut dire nourrir, donner de l'énergie. Et on prie toujours un Dieu avec de l'émotion, parce que seule l'émotion nourrit le monde de la mort. Vous avez donné plus de 300 conférences en 4 ans, tous sur des sujets différents. Je suis moi-même conférencier et j'ai seulement 8 conférences que je redonne de temps en temps. Comment faites-vous? Bon. C'est assez simple. Bon. L'homme a accès à un savoir instantané. Sauf que le savoir instantané ou l'intelligence supramentale, l'intelligence active, comparativement à l'intellectuance qui est de l'intelligence passive, qui dépend des mémoires, donc de l'expérience, de l'apprentissage, ce que l'être humain appelle la connaissance, tous les êtres humains vont avoir accès, ont accès déjà à l'intelligence supramentale, donc à l'intelligence au-delà du plan mental, donc à l'intelligence instantanée. Dans l'Antiquité, dans le passé, plusieurs personnes ont exprimé cette intelligence. Et j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de Louis Pasteur, j'ai déjà parlé d'Albert Einstein, j'ai déjà parlé de plusieurs autres personnes qui expliquaient à l'homme des choses. Et quand on disait à l'homme, oui, mais pouvez-vous le prouver? Et le bonhomme, il répondait, bof, non, mais vous allez le prouver vous-même. Albert Einstein, lorsqu'il a dit que l'énergie ou la lumière était courbée au voisinage des masses, il ne pouvait pas le prouver, mais il a dit aux personnes qui ne marchaient qu'avec l'expérience, dans pas grand temps, il y a une éclipse solaire, ben prenez une photo, vous allez avoir la réponse. Lui, il n'avait pas besoin de le faire, il ne l'avait jamais fait. Et quand on lui pose la question, si vous auriez eu tort, qu'est-ce que vous auriez dit? Puis Albert Einstein, il répond, je me serais posé la question, pourquoi Dieu n'a pas voulu appliquer une théorie convenable? Alors bref, si ça n'avait pas été vrai, ça aurait été la faute de Dieu. Lui avait raison. Et ce n'était pas de l'orgueil. Albert Einstein n'était pas orgueilleux. Il exprimait un savoir instantané. Il y a eu énormément de personnes. Il y en a souvent. Quand vous avez un problème, vous ne pouvez pas le résoudre. Vous allez jaser avec quelqu'un qui ne connaît pas non plus la solution. Et de la parole jaillit la lumière. En parlant, on exprime l'intelligence supramentale. Ce n'est pas par la pensée, parce que la pensée est ce qui manipule l'homme. Par la parole, on peut écouter ce que l'on dit et on peut apprendre soi-même. C'est pourquoi j'ai fait des conférences. Et lorsqu'une personne a la faculté de se fier totalement à la possibilité d'exprimer l'instantané, une personne, disons, spirituelle pourrait dire à son père, mais finalement elle devient ce père et elle pourra s'adresser à un autre palier par la suite, ça devient de l'esprit saint, donc de l'esprit non coloré par l'homme, l'intelligence instantanée, intelligence supramentale. Alors, comment je fais pour faire un paquet de conférences? Eh bien, c'est plus facile de dire, j'ai une plus grande gueule que toi. Vers quel but doivent être dirigées nos émotions? L'émotion est un facteur biologique qui est engendré par un facteur amique. Le système psychologique, l'âme, engendre des mécanicités qui vont par le biais de dépolarisation neuronique. Enfin, je vais sauter par-dessus ces choses-là. J'en parle suffisamment en séminaire. Et puis là, on peut dessiner et répondre plus biologiquement, enfin, plus terre à terre. Lorsque l'homme exprime quelque chose dans ce que j'appelle l'interpréteur actionnel, une mécanicité biologique vitale qui interprète la pensée et les désirs de l'homme pour que le corps physique la bouge. Lorsque l'homme a faim, elle marche. Elle n'a pas besoin de penser à comment contrôler les muscles pour marcher. Elle prend ce qu'elle a besoin, elle n'a pas besoin de rien penser. Il y a quelque chose qui interprète ce que l'homme veut faire. Alors, lorsque l'émotion est engendrée, elle est détectée d'une façon endocrinienne au niveau du corps. Et l'émotion ne sert qu'à sécréter des hormones dans le corps physique de l'homme. Et les hormones sont des stimulants mutatoires qui mutent le corps physique de l'homme. Et lorsque le corps est capable de résister à une agression hormonale particulière, elle est capable, le corps devient plus solide, il est muté. L'évolution maintenant est transmissible génétiquement. Il a donc cellularisé son évolution. Et l'émotion ne sert finalement qu'à permettre à une conscience, disons divine, de pouvoir travailler avec des consciences plus planétaires, plus terrestrifiées, pour pouvoir manipuler une conscience archétypale, l'âme chez l'homme, de façon à ce que la sécrétion endocrinienne vienne muter le corps physique pour bâtir à travers l'évolution génétique, l'évolution des races, un corps physique suffisamment solide du point de vue endocrinien et du point de vue neuronique pour être capable un jour de supporter le contact direct avec l'intelligence supramentale sans avoir besoin de passer par un médium, l'âme. Autrement dit, un jour, et c'est très proche, et c'est même déjà le cas pour certains qui sont en train de vivre ce petit contact entre l'esprit et leur propre expression corporelle, et la lutte va se faire finalement entre l'âme et le plan de l'esprit, l'intelligence supramentale. Alors, où placer nos émotions? L'émotion, c'est un phénomène biologique qui ne sert à l'âme qu'à percevoir ce que l'âme a fait et ça sert à exprimer d'une façon endocrinienne une mutation corporelle. Quelle que soit l'émotion, il doit être exprimé par l'expérience, c'est-à-dire par la motricité corporelle. Et il pourrait être exprimé par le système péristaltique intestinal, il pourrait être exprimé par le système cardiaque qui va accélérer ou ralentir, il peut être exprimé par la colère, par la transpiration, par la rougeur, par la blancheur, par un mouvement, par le rire. L'homme nouveau, ce que j'appelle l'homme nouveau, celui qui finalement n'a plus d'émotion. Et ce n'est pas l'émotion que l'on doit travailler. L'émotion, tant pis. Un jour, elle va s'éteindre tout seule. Canaliser l'émotion, c'est perdre son temps. Pas pour tout le monde. Bon, mais là, on me pose la question ici ce soir, c'est moi qui réponds à vous. Il y a des êtres humains qui devront canaliser leurs émotions parce qu'ils ne pourront rien faire d'autre tant que l'émotion ne sera pas un peu plus canalisée. Mais à un moment donné, il va rester deux choses. Il va rester que l'homme pourra pleurer et l'homme pourra rire. Quand je parle de l'homme, évidemment, je parle de la femme et de l'enfant. Le rire et le pleur sont l'expression d'un sentiment, donc d'une vibration. Ce n'est pas l'expression d'une émotion. L'émotion s'exprime endocrinalement. Les sentiments vont souvent s'exprimer exocrinalement. Donc, les larmes, ce sont des sécrétions exocrines à l'extérieur. Le rire est une mécanicité réflexe qui permet à une vibration qui nourrit le corps, qui nourrit en même temps l'âme et qui nourrit en même temps le plan supramental, disons l'esprit, de pouvoir être exprimé lorsqu'il y en a un petit peu trop par des mécanismes réflexes qui seront les larmes. L'homme nouveau pleure, ne braille pas. Et par le rire. Lorsque l'être humain veut travailler, tout ce qu'il a à faire, c'est de s'arranger pour de plus en plus avoir la faculté de connaître la réalité. Tout à l'heure, je disais, une fleur, c'est une fleur. C'est un fait. Mais il y a moyen de percevoir une fleur et de boire la fleur. Bon. Boire la fleur, c'est un terme... Fais attention encore une fois, là, la fleur. On va dire l'érable. Il y a moins de noms. Je vois un paysage et je regarde le paysage et ce paysage me calme. Voilà, j'entre en résonance avec l'onde de forme du paysage. C'est ce que je veux dire, je bois le paysage. Mais le paysage me calme à un point tel qu'il me nourrit. Je vais être dynamisé, survolté, énergisé après. Là, j'aurai assisté à une relation de sentiment, à une relation de vibration entre moi, l'observateur, et ce que j'observe, la réalité. Je n'ai pas besoin de trouver ça beau, parce qu'instantanément, je suis en relation avec, ce sera plus que beau. Et en plus d'être nourrissant, si je le trouve beau, ça nourrit ma psychologie, ça nourrit mon système émotif, mais ça ne nourrit pas mon corps, ça ne nourrit pas mon plan mental, ça ne nourrit pas le peu d'esprit qui m'habite. Lorsque je rentre en vibration, lorsque finalement le paysage, je le bois, lorsque je peux passer une demi-heure, une heure à regarder la même chose sans me tanner, bien nécessairement, je nourris tous les plans. Alors, lorsque on arrive à boire, ben, finalement, l'émotion lentement va s'éteindre parce que vous allez garder que le sentiment. J'ai expliqué souvent que l'émotion était un sentiment qui avait été tué. Alors, je vois pour la première fois quelque chose, je vibre avec, et cette vibration est expérimentée par mon ego, par mon âme, par ma psychologie. Étant expérimentée, elle voudra revivre la même chose. Et ce « revit la même chose » est l'émotion. Alors, je veux dire, maudit que c'était beau. Je suis en train de revivre la mémoire. Lorsque je le revois plein d'attentes. Puis peut-être que je ne pourrai pas le boire aussi autant. Pourquoi? Parce que je ne serai pas dans le même état. La première fois que je l'ai vu, je ne m'attendais à rien. La deuxième fois, je m'attends à quelque chose, des chances que là, je perde la carte. Alors, au lieu de voir le paysage, je vais me nourrir de ma mémoire du paysage. C'est ce qu'on appelle l'émotion. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le temps est une illusion? Parce que le temps est une illusion. Alors, nous, hommes, nous sommes des marionnettes qui jouons une pièce de théâtre qui tire sur les ficelles. Faisons-nous la première... Bref, je ne sais pas lire. Généride. Bon, en tout cas. Alors, qui tire les ficelles si nous sommes des marionnettes? Les grands philosophes ont toujours dit, vous êtes l'acteur, vous êtes le film, vous êtes le spectateur, vous êtes le réalisateur et le scénariste. Et que c'est bien dit. Ça n'explique pas grand-chose. Mais effectivement, il n'y a personne qui manipule l'homme. Par contre, l'homme est manipulé. Qui tire les ficelles? La mécanique tire les ficelles. Votre travail, dans le premier temps, c'est d'empêcher qu'on tire les ficelles. Et là, l'homme devient libre, premièrement, dans sa conscience, et lentement, il devient libre aussi dans l'événement. Il n'a pas de libre arbitre, il devient libre. Et j'explique souvent que lorsque le feu prend dans une pièce, si je vois l'intelligence de sortir par cette porte-là, fus-je intelligent, je n'ai pas le choix, moi sortir par là, fait que même intelligent, je reste manipulé. Bon. Qui tire les ficelles? Et rien ne tire les ficelles. Je me lève un matin et je vois que je viens pour prendre mon automobile et il y a une crevaison. Puis là, ça me met en colère. Qui tire les ficelles? L'automobile. Alors, je sors, je vais à la loterie et je pense arriver en retard. C'est 25 millions qu'on fait tirer. J'arrive là et on ferme la porte. Puis là, maudit qui tire les ficelles? La loterie. La mécanique, voilà qui tire les ficelles. Je veux rencontrer une fille, je vais sortir avec. Puis là, elle me dit qu'elle est mariée. Qui tire les ficelles? La fille. Bref, l'être humain est continuellement confronté à ne pas être son seul maître. Et je le dis souvent, de toute façon, l'homme doit être son seul maître. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut et que tu voulais de la neige, il pleut. Mais si la pluie peut tirer les ficelles, tu seras de mauvaise humeur pour une partie de la journée. Je rentre chez vous et je casse une lampe. Tu es en maudit, tu as peur, tu transpires. Ben voilà, qui tire les ficelles? Les choses, l'objet, la matière. Qui tire les ficelles? Personne. Et c'est le problème, c'est que personne tire les ficelles. Il faudra que quelqu'un les tire. Et ce quelqu'un-là devra être vous. En attendant, si vous ne vous organisez pas, ceux qui s'organisent vont vous organiser. Alors, il y a la publicité. Alors, il y a les professeurs. Alors, il y a les morales. Il y a plusieurs phénomènes dans le genre où on tire les ficelles pour l'homme. Il vient pour acheter le beurre de pinot, machin chouette, puis la main tombe sur l'autre, puis elle le met dans le panier. Mais qui tire les ficelles? Pas lui. Alors, la grosse question, c'est, en réalité, c'est pas intéressant de savoir qui, mais il n'y a pas de qui personnifié tire les ficelles, mais c'est de savoir pourquoi nous n'arrivons pas, nous, à tirer les ficelles chez nous. Et la question du pourquoi n'est même pas essentielle. Commençons à tirer nos propres ficelles. Le système émotif que vous n'aimez pas, ne le vivez plus. Aimez-vous être en colère? Oui, continuez. Non, cessez de l'être. Oui, mais je ne me rends jamais compte. Soudainement, je me rends compte que j'ai fait une colère. Voilà. Et là, il y a une subtilité manipulatrice qui, lentement, vient vous monter, vient vous gruger. La conscientisation, c'est de décoder de plus en plus bas le début de la subtilité. Soudainement, je m'ennuie. Oui, mais ça fait une heure que tu as commencé à t'ennuyer. Mais tu n'en es pas rendu compte. Quand tu t'en rends compte, c'est quand il est trop tard. Qui tire les ficelles? Pas toi. Ça, c'est la réponse. Quelqu'un qui est assez orgueilleux pour ne pas trop demander de service aux autres et se prendre en main lui-même. Dans ce cas, l'orgueil est-elle bonne? Quelqu'un qui est assez orgueilleux que quand son automobile est pris, il veut la pousser tout seul, l'orgueil est un grand danger. S'il peut la pousser, ça va. Comprends. J'ai une crevaison, je veux la changer tout seul. Mais je ne suis pas capable de défaire les noix de la roue. J'ai ma roue de secours est crevée. Il pleut. Je ne veux pas arrêter personne. Je suis un imbécile. S'il fait ben beau et ça me plaît, pas de problème. Alors, il faut simplement voir. C'est comme l'acupuncteur qui doit se poncturer le dos à certaines places précises parce qu'il y a un problème d'ulcère. Il ne va pas avoir aucun acupuncteur. Il se place devant un miroir, il essaye son aiguille. Il ferait mieux d'aller voir un acupuncteur. C'est plus simple. Quand il poncture ici, quand il poncture là, ça dépend où ce qu'il va. Il faut juste voir. Alors, quand ça fait 20 ans qu'on veut s'aider tout seul, peut-être c'est bon d'aller voir quelqu'un. Votre séminaire a changé ma vie pour le mieux. Bon. J'aimerais que mon mari le fasse, mais il ne veut pas. Que puis-je faire? Le laisser faire. On doit cesser de penser que parce qu'on rentre dans un chemin, ceux à qui on vit doivent aussi faire le chemin. Si on leur en parle et ça leur vibre, ça va. Si on leur en parle, ça ne leur vibre pas. Ça ne leur vibre pas. La personne ici, elle vit encore dans la mécanicité de la comparaison. Moi, je l'ai faite, c'est bon pour moi. Fait que viens donc le faire. C'est pas nécessairement bon pour l'autre. Alors, la personne, elle n'a qu'à faire son choix. On n'attire pas une personne quelque part. Et dans l'évolution, si on attend que l'autre évolue pour se changer, c'est C'est un gros problème. Ça fait partie de l'évolution des collectivités planétaires. Mais il y aura des humains, il y aura de plus en plus d'humains qui devront se détacher pour évoluer individuellement. Attention, individuellement ne veut pas dire différemment. Et c'est là la nuance. Tu vas à l'église et tu pries en collectivité, c'est bon. Un jour, tu ne vas plus à l'église, tu pries chez vous, c'est bon. Et à un moment donné, tu ne pries plus, tu fais quelque chose d'autre, tu vis, t'exprimes, c'est bon. Ce n'est pas une raison de démolir les autres paliers qui t'ont permis un jour d'arriver à te libérer ou à te comprendre. Alors, on n'amène pas quelqu'un à faire un séminaire parce qu'on a fait un séminaire. Bon, puis on ne fait pas un séminaire parce que les gens font un séminaire. J'aimerais savoir ce qu'il advient du projet OFSA. Bon, OFSA, ça veut dire Organisation du village scientifique de l'avenir. C'est un projet que j'avais parlé il y a 2, 3 ou 4 ans. Ce projet, et chaque fois que j'en parlais, je disais que ce n'était pas le temps. Alors, effectivement, c'est intéressant que la question vienne parce que c'est le temps. Alors, l'idée même du projet OFSA est en train de germer de plus en plus dans la tête de certains individus et le projet commence à être en marche parce qu'il devrait voir le jour totalement en 88. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de bâtir un village qui pourrait permettre à l'être humain d'appliquer toutes les solutions sociales à ses problèmes, en incluant l'évolution, l'éducation, l'alimentation, la condition physique, la cellularisation du corps. Enfin, plusieurs phénomènes dans le genre. Alors, la personne qui pose la question, c'est des choses qui sont en marche. Elle devrait en entendre parler, de toute façon, au niveau du centre ici, dans pas grand temps. Je n'en parlais pas avant parce que l'humain n'était pas prêt, je n'étais pas prêt, personne n'était prêt. Puis maintenant, ben là, les choses sont en train de se placer. Alors, voilà. Daniel, au moment où tu as compris l'illusion et que tu vois la réalité est-elle la même pour tout le monde? Une ou plusieurs réalités? C'est bien. La réalité totale, la réalité globale est la même pour tout le monde parce que lorsque nous verrons la réalité totale, nous la verrons tous par les mêmes yeux. Donc, c'est la même pour tout le monde. Mais pendant ce temps, étant donné qu'il y a différents faisceaux qui animent différents humains, chaque personne dans le début, dans les premiers temps, a sa propre réalité. Preuve que c'est une illusion. Mais ce n'est pas grave, elle est essentiellement utile. Plus l'être humain évolue, plus la perception de sa réalité rejoint la perception de la réalité de groupe. C'est normal parce que plus l'être humain se conscientise, plus il voit avec des yeux qui sont de plus en plus animés par la même forme d'énergie, et lentement, il verra les choses similaires à autrui. Il n'a pas de conscience collective pour autant. Il a une conscience individuelle, mais lorsqu'il voit une chose telle qu'elle est et qu'un autre la voit telle qu'elle est, ils la verront tous les deux de la même façon. Plus l'être humain va augmenter sa conscientisation, plus il aura la faculté d'englober différents facteurs de réalité. Alors, ce que j'appelle, moi, s'ajuster, c'est être capable de voir la réalité d'un individu et de se placer dans sa vision et de dire, ben merde, il a raison. Et par la suite, on change de place, puis on dit, j'ai aussi raison. Alors, on ne s'astinera pas. Si lui veut s'astiner, on coupe le contact. Alors, lorsque je m'en vais chez les Mormons et que j'écoute leur explication émotive de la création, si je me place dans leur point de vue, si j'ose embarquer dans l'émotivisation de leur explication, ben, ils ont raison. Si je vais chez les témoins de Jéhovah, ils ont raison. Si je vais chez les Krishna, ils ont raison. Si je rentre chez moi, j'ai raison. Est-ce qu'ils ont tort pour autant? Non. Si on est dans la réalité, et s'il n'y a pas dans la réalité ni passé, ni présent, ni vie future, on est dans une autre dimension. Si on est dans une autre dimension, comment la vivre sur Terre? Le corps physique va la vivre sur Terre. Le corps vital va animer le corps physique. Le corps astral, c'est-à-dire le phénomène psychologique, va permettre la relation entre le corps physique et vital et le plan mental ou supramental, l'esprit. J'explique de temps en temps que le temps, c'est le mur. Et qu'une personne qui se promène lentement sur le bord du mur voit les choses au fur et à mesure qu'elle avance. Donc, ce qui est là-bas, le futur, elle ne le voit pas. Le passé, elle ne le voit plus. Elle voit le présent. Mais l'observateur qui est plus éloigné voit le futur de l'individu, son présent et son passé en même temps. Mais moi, je ne le vois pas. La conscientisation, l'évolution, c'est lentement une expansion de conscience et plus ça va aller, plus l'être humain va englober ce que présentement on appelle le temps. Si on reprend la finalité ici, on est dans une autre dimension. On est dans une autre dimension du point de vue de la conscience. Mais la conscience de l'homme, elle doit englober l'expérience matérielle, vitale, astrale, mentale, supramentale, bouddhique et divine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une conscience strictement limitée à un des plans. Alors, il y a beaucoup d'êtres humains qui vont dire, « Bon, moi, j'ai une conscience, astrale, divine, spirituelle. C'est mon corps qui me limite. » Non, c'est parce que tu n'as pas de conscience corporelle. Et on doit commencer par avoir une conscience corporelle après vitale, après sensitive, donc astrale, par la suite mentale, par la suite supramentale. L'individu qui ne sent même pas son corps vivre, ne sent même pas son corps bouger, l'individu qui n'est même pas capable, lorsqu'il achète des tomates, de diagnostiquer la tomate qui est la plus pleine d'énergie pour lui, il regarde la couleur à la place, il regarde sa plaie, son phénomène émotif. Il ne regarde même pas si c'est nourrissant vitalement ou minéralement, matériellement. Alors, on doit commencer par la base. Comment arriver à supporter la solitude? On doit être capable de se supporter soi-même. C'est parce qu'on se trouve très ennuyant qu'on ne peut pas supporter la solitude. J'ai fait plusieurs conférences sur les mécanismes de l'ennui. Choses dans le genre, le phénomène de l'ennui, les mécanismes de l'ennui. L'individu qui est seul et qui se sent seul peut, évidemment, selon la psychologie contemporaine, rechercher la distraction. L'un des plus grands pièges à l'évolution est la distraction, par contre. C'est-à-dire que c'est un médicament et cela a des effets secondaires. Plus on se distrait, plus on passe du temps de la vie à ne rien faire. Il y a une évolution qui se fait quand même, l'évolution de l'animal humain. Vous allez quand même avancer, mais ça ne vous servira pas dans cette vie-ci. Mais moi, je préfère qu'on se serre immédiatement que de dire on va se servir plus tard. Alors donc, on doit se cellulariser. La personne qui est seule, c'est une personne qui recherche, c'est un phénomène qui est relativement complexe à expliquer, mais elle a besoin de support pour s'exprimer. Parce que si elle ne s'exprime pas, l'ego, la partie maîtresse de l'âme, ne peut pas décoder qu'elle existe. L'ego est assujetti à deux lois. Premièrement, il doit savoir qu'il existe, et pour savoir qu'il existe, il ne peut savoir qu'il existe que s'il voit le résultat de ce qu'il fait. Alors, cela l'amène à devoir s'exprimer. Et s'il ne s'exprime pas, il peut vivre une solitude. Il n'y a rien. Je l'explique souvent, il regarde la télévision, ça nourrit rien, il change, il ne passe rien, il change, il appelle quelqu'un, il n'est pas là. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il s'ennuie. La deuxième loi, être nourri. La nourriture de l'ego, l'ego étant un phénomène mémoriel qui se développe au fur et à mesure de l'expérience de l'homme dans le contexte expérientiel de la planète, l'ego étant constitué de mémoire, pour ne pas s'oublier lui-même, donc pour ne pas mourir, il doit s'énergiser. Alors, il doit refaire certaines choses qu'il fait régulièrement ou qui sont similaires. Lorsque une partie de l'ego, ce qu'elle recherche, ne peut pas la nourrir, il manque la nourriture. Et manquant la nourriture, elle va vouloir s'exprimer. On peut faire de la peinture, on peut chanter, on peut crier, on peut faire le ménage. Bon, on s'exprime. Mais si l'expression que l'on veut faire n'amène pas la nourriture à la partie de l'ego, qui présentement est à la conscience, nécessairement amène l'ennui. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On doit simplement s'asseoir et supporter son ennui le plus longtemps que l'on peut. Et si on est capable de la supporter, elle va disparaître. Si on n'est pas capable de la supporter, et il faut le faire consciemment, l'individu qui s'assoit et qui dit « Bon, ben je m'ennuie de m'entendre », il ne la supporte pas. Il va s'ennuyer à un point tel qu'il va faire une dépression, perte d'énergie. Je m'assois, je me couche et je me relaxe. Bon, achetez-vous un chat. Faites comme lui. Rien ne me tente, et ça ne me tente même plus que ça me tente. L'antilope a les bleus, je le regarde être poqué. Et après les bleus, qu'y a-t-il? Bon. Rien ne me tente, ça ne me tente même plus que ça me tente. Donc, il y a ceci chez l'homme. Il y a l'âme. L'âme qui est un facteur déterminant dans l'évolution du corps physique de l'âme parce que c'est la seule mécanicité qui permet à l'intelligence de se connecter au corps physique sans le détruire. Et il mute le corps par l'expression endocrinienne dans le corps physique, expression contrôlée par le système hypothalamien qui est relié au facteur de l'âme, la psychologie. Lorsque l'âme, et l'âme, premièrement, l'âme, ça apparaît dans le corps quand ça vient au monde. Alors, c'est une petite âme qui est amenée par le spermatozoïde, puis ça se plug à l'ovule, et ça crée un début d'âme. Lentement, ce petit début d'âme-là est relié au père et à la mère, et lentement, il se déconnecte pour se relier à la mère. La mère, sécrétant des hormones pendant 9 mois parce qu'elle vit l'émotion, instruit déjà émotivement le fœtus, qui va donc vivre l'émotion de la mère, parce que le système hormonal, transporté dans le sang, nourrit le bébé. Lentement, par l'expression hormonale de sa mère, il développe un phénomène émotif, c'est-à-dire que le petit peu d'âme décode des choses et lentement prend de l'expérience. Il y a un canal qui s'ouvre, qui va directement dans le monde de la mort, dans le ciel. De là viennent des personnalités réincarnatives qui, selon l'évolution biologique, donc corporelle du fœtus, vont se réincarner lentement, pendant 9 mois. Mais ça se réincarne après ça toute notre vie, 24 heures sur 24. Ce canal nous relie amicalement au monde de la mort, appelé le ciel. Quand on meurt, on va dans le ciel. Bon, cela nous relie là. Mais dans l'âme, il y a un autre petit canal qui lentement va s'ouvrir qui va apparaître à la longue par désillusion. La souffrance engendre ce nouveau canal qui amène l'ego à entrer en contact avec un plan nouveau, le mental. Ce plan nouveau, à l'origine, s'appelle l'intellect. Il est intimement l'esclave de l'ego. Mais ce petit canal tout petit, lentement, va grandir et il va entrer en contact avec l'intelligence supramentale, l'intelligence active, l'esprit. Bon. Lorsqu'un individu se sent comme ça, ça ne tente plus de rien, ça ne tente même pas que ça tente. C'est que l'ego, qui a toujours été dynamisé par le désir, stimulé par des réincarnations, enfin, j'ai déjà expliqué le processus de l'inidentification dernièrement, puis on en parlait quand même suffisamment, puis en séminaire, on barbouille sur un tableau pendant quelques heures de temps, c'est qu'on finit par voir. Lorsque l'âme, lentement, vit un contact avec le plan mental, elle se mentalise. Et ça crée une guerre, ce que j'appelais l'homme transitif, la femme transitive. Finalement, tu vois les choses, tu n'en souffres plus émotivement, tu arrives à placer le point de vue mental dans l'expression corporelle et tu peux en arriver à un point où tu vois les choses plus mentalement. Mentalement ne veut pas dire voir la réalité, mais tu les vois anémotivement, sans émotion, dans la majorité des cas. Mais pendant cette évolution, il y a des mécanicités qui font qu'à un moment donné, le canal qui vous relie au ciel, donc au monde de la mort, ce qui stimule, ce qui se réincarne d'une façon mémorielo-émotive, s'étrangle. S'étranglant, vous perdez le contact avec ce que la théologie appelle Dieu. Alors, perdant le contact avec Dieu, c'est fait. Perdant le contact avec ce qui vous anime réincarnationnellement, réincarnativement, eh bien, il arrive que l'individu, du point de vue de l'ego, n'a plus de désir. Mais il n'a pas encore ouvert suffisamment le canal vers l'esprit, il ne peut pas accomplir. Désir, il ne bouge pas, et s'il ne peut pas accomplir, il n'a pas l'énergie pour accomplir une chose, bien, il ne fait plus rien. Et il y a beaucoup d'individus très brillants qui se suicident parce qu'ils n'ont pas un canal mental suffisamment ouvert pour accomplir, et ils ont un étranglement du canal astral pendant un laps de temps, alors là, ils sont finis. Ben, un bout de temps. Alors, la télévision, ça ne tente plus, il n'y a plus la stimulation intérieure. Partir en affaires, ne tente pas. Jardiner, à quoi ça sert? On mourrait pareil. Le mental l'instruit que la mort est un facteur déterminant de la vie, pour l'homme, pour un laps de temps. Le mental lui exprime, pourquoi tu as acheté une auto? Ça rouille, ça tombe, tu payes, bon. Le mental lui amène des informations logiques. Comme il n'y a plus la stimulation astrale, donc émotive, reliée au plan réincarnatif, ben, le canal s'étranglant, il devient... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le distraire, lui donner des claques dans le visage, lentement créer quelque chose, le canal peut s'ouvrir. Sinon, on doit être suffisamment mental pour comprendre que le suicide, c'est comme une naissance, et que si la vie vaut pas la peine d'être vécue, la mort vaut pas la peine d'être mortuelle non plus. Alors, on reste dans notre corps. On doit attendre. Et attendre, c'est très, très pénible pour l'individu, sauf que s'il attend en se disant, bon, ben tant qu'à attendre, si un jour je me déniaise, je dois avoir l'intelligence d'avoir un corps physique en santé. Je vais commencer par faire du sport, je vais marcher, je vais courir. À quoi ça sert? À rien. Mais quand la personne se réveille puis qu'elle est dans un lit d'hôpital ou qu'elle est rachitique ou qu'elle est toute défaite, mieux vaut qu'elle se réveille convenablement. Ça se réveille pas, pas grave. C'est un risque à prendre, prends-le en santé. Alors, la personne doit avoir suffisamment de logistique mentale pour dire, bon, il me faut quand même de l'argent. Fait que moi, travailler, ça me tente pas. Mais, putain, ça me tente pas. OK? Bon, l'ego, ça ne tente pas. Le point de vue astral, ça ne lui tente pas. L'anxiété a un gros problème, il perd. Pourquoi les gens se suicident? Souvent, rendu là. C'est que le canal étant fermé, l'ego à l'intérieur, l'âme, n'est plus nourri. Et tout à l'heure, j'ai expliqué que l'ego doit s'exprimer et se nourrir. Sinon, il a peur de mourir. Il s'oublie. Et pour ne pas mourir, ne pas s'oublier, il tue le corps physique et regagne le monde de la mort, là où il vit. L'âme vit dans le ciel. Alors, donc, on appelle ça un suicide. On tue le corps physique pour libérer l'âme. On ne doit pas faire cela. On évolue quand on est vivant. Excuse-moi, Grégoire, là, je vais aller... Bon. L'univers n'aura pas de fin, mais aura eu un commencement. Enfin, deux commencements. Comme si on remettait à zéro le chronomètre et que la rétraction soit une création. Cette fin peut-elle être le début d'une nouvelle création? Bon. Ben, voilà. Très bonne question. La réponse est que l'univers n'a jamais existé. Alors, il n'y a pas eu de création, il n'y a pas eu deux créations, il n'y aura pas de fin, il n'y a rien de cela. C'est pourquoi on parle d'illusion. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous concevons que l'univers a existé parce qu'il y a quelques milliards d'années en arrière où nous pouvons aller fouiller. Nous concevons que l'univers va exister parce que nous avons déjà eu 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et notre mémoire nous disant que nous avons déjà été cela, nous prévoyons avoir un jour 25 ans, 26 ans, 27 ans, ou plus que ça. Bon. Le problème, c'est que l'univers est un phénomène temporel. Si, et le rôle de l'homme, c'est d'ailleurs de créer une rétraction de l'univers, c'est dans, premièrement le rôle de l'homme, cosmiquement, c'est de bloquer l'évolution expansive de l'univers, et par la suite, c'est d'engendrer, exprimer l'amour hein, qui attire les choses, c'est d'engendrer une dissolution de l'univers. Pour que l'univers revienne, la théologie dit revenir vers le Créateur, bon, ça me va, revenir vers le centre source, et finalement, ploups, il n'y aura plus d'univers. Pourquoi? Parce que le temps n'existant plus, il n'y aura plus de mémoire du temps, alors vous ne pourrez pas dire que ça a existé, vous ne pourrez pas dire que ça va exister. Le temps, les deux créations, les ceci, les cela, ce sont des créations explicatives de certains phénomènes au niveau de la perception philosophique des univers. Plus l'espace se courbe, plus comme le ballon, plus la densité est faible et la force gravitationnelle petite. Plus les électrons sont attirés vers le noyau, plus ils bougent pour s'en échapper. Jeu éternel du yin et du yang, attraction-répulsion. Pourquoi l'univers est-il construit sur ce principe? Est-ce le miroir à l'intérieur de la création? Il y a une nuance entre... Le problème, c'est que les électrons n'étant pas capables de faire le travail, c'est pourquoi les électrons s'associent et engendrent la matière, qui s'associent et engendrent la vie, qui s'associent et engendrent la coloration d'une forme intentionnelle. L'illusion du libre arbitre engendre l'homme, et finalement l'humain, le surhumain, le suprahumain, et finalement le divin, au niveau de l'évolution de l'homme. C'est que l'homme a la faculté d'accumuler de l'énergie, ce que la matière peut difficilement faire jusqu'à un certain niveau. Ma matière, à moi, elle a autant d'énergie que du plutonium. Et si on divise mon corps, si on vient fracturer les atomes de mon corps, on va commencer par leur lancer des neutrons, et lentement, on va me rendre radioactif, et finalement, on peut engendrer une réaction en chaîne avec mon corps, ce qui va dégager autant d'énergie qu'une bombe nucléaire. Mais la matière s'arrête là dans l'accumulation d'énergie. Alors moi, l'homme, donc vous, sommes capables d'en accumuler un peu plus et maintenant on peut animer. Je mange une pomme et je la fais moi. La matière ne peut pas faire ça. Je la transmute, je l'alchimise. Mais en plus, je peux même maintenant augmenter suffisamment mon énergie pour avoir des désirs. C'est beaucoup plus puissant que la puissance nucléaire. À un point tel que le nucléaire ne donnera pas d'émotion chez l'homme, mais la peur des guerres, l'émotion, engendrera par l'intellect la création d'une bombe nucléaire. L'émotion est plus puissante que le nucléaire. Finalement, j'ai mon mental qui peut mentaliser, intelligencer les choses. La matière peut pas. Nucléaire, comparé à l'homme. Et finalement, j'ai même un savoir instantané. Et comme l'électron n'est pas capable, quand l'électron commence à se rapprocher du noyau, il perd en énergie. Et il y a suffisamment d'énergie, vu que l'énergie ne se perd pas et ne se crée pas dans ce monde fini. Nécessairement, l'énergie perdue finit par lui revenir. Et il y a une démutation, enfin des jeux, au niveau des différents paliers gravitationnels des électrons, et puis un paquet de cossins sur lesquels on va passer. Lorsque l'homme, lui, accumule de l'énergie, lentement son corps change, son corps mute. Il orchestre la matière de façon à créer des neurones, à créer des cellules gliales, à créer des hormones, à créer un paquet de choses qui transforment la matière, ce que la matière ne peut pas faire. Alors, on parle de densité. L'homme qui grandit va avoir sa densité lentement augmentée. Ce sont des choses qui vont venir prochainement en regard de ce que j'appelle la mutation. Pourquoi l'univers est-il construit sur ce principe? L'univers n'est pas construit sur ce principe. C'est simplement une partie très, très, très, très, très limitée de ce qu'on appelle l'univers. Et à l'intérieur, on oublie un facteur majeur, l'homme. L'univers au complet n'est rien sans l'homme. Quand on vibre tellement fort en écoutant de la musique qu'on a des larmes aux yeux, est-ce un sentiment ou une émotion? Si on est capable de ne pas penser pendant que les larmes coulent, c'est un sentiment vibratoire. Si on pense, c'est une émotion sentimentale, peut-être. Y a-t-il toujours des conséquences néfastes pour quelqu'un qui prend des moyens malhonnêtes pour réussir dans la vie? Oui, toujours. Pas nécessairement pour lui, mais toujours. Daniel, ne sommes-nous pas dans l'illusion à cause de notre constitution sensorielle et cérébrale? Oui et non. Notre cerveau nous oblige à penser l'illusion. Qui a créé notre cerveau? Bon, un gros problème que l'homme a dans l'explication émotive ou théologique de l'univers, c'est toujours la question qui. Et il n'y a pas toujours de qui. Il y a des mécaniques. Et l'homme n'est pas une mécanique, mais la constitution biologique de son corps a été régie par une mécanique. Ce n'est pas l'homme qui a intentionnellement bâti le corps. Par contre, il y a des sélections à la Darwin qui ont finalement forgé le corps. Si vous prenez le fœtus de 3 semaines d'un être humain, sortez-le en photo, bon, soyons humanistes, et comparez-le au fœtus d'un chien, et au fœtus d'un singe, et au fœtus d'un cheval, dans le même ordre d'âge, et vous verrez que c'est tout pareil. Parce que l'être humain, de sa naissance, enfin de la fécondation jusqu'à la naissance, repasse par tous les stades d'évolution de l'humanité depuis plus de 4 milliards d'années sur le plan planétaire. Et lentement, on arrive au corps physique. Notre cerveau est le résultat de cela, et présentement, le cerveau subit des mutations depuis déjà quelques 2000 ans. Et ces mutations-là engendrent chez l'homme des contextes différents, à un point tel qu'il a réussi à inventer l'ordinateur, une projection de son cerveau. Mais l'ordinateur a de la mémoire, elle peut donc avoir de l'ego. Et il n'a pas assez de mémoire encore dans sa mémoire. Mais programmons un ordinateur pendant 30 ans, jour et nuit, quand vous allez mal pitonner, elle va vous le dire, oui. Sauf qu'il y a autre chose chez l'homme, un savoir instantané, que l'ordinateur n'aura jamais. Le flash, l'eureka, l'illumination. L'ordinateur n'aura jamais ça. Il y a une nuance. Nous sommes dans l'illusion à cause de notre constitution sensorielle et cérébrale. Lorsque je vous regarde, ou lorsque vous me regardez, vous voyez nécessairement du vert. Le vert est toute la couleur que mon chandail ici rejette. Alors la partie vert, elle est toutes les couleurs sauf vert. Pas vert. Le mur en arrière, il est quelle couleur? Bien, ce qui va à vos yeux, c'est ce qui est rejeté. C'est la couleur que vous voyez, mais ce n'est pas la couleur du rideau. Mon fauteuil, il est noir. Pourquoi? Parce qu'il ne rejette rien. Ne rejetant rien, il est blanc. Mais vu que vous ne voyez rien, parce qu'il ne rejette rien, voyant rien, voyez du noir. Et vous dites, il est noir. Il est blanc. C'est avec les fauteuils. Bon. C'est déjà le problème. Alors, on parle d'illusion de cette façon-là? Oui et non. Mais finalement, qu'il soit noir ou blanc, je m'en fous du moment que quand je me sois dedans, il reste là. Bon. OK? Il faut simplifier les choses. C'est un fait que dans certaines formes d'explication ou dans certains niveaux de compréhension ou dans certaines réponses à des questions, c'est important de savoir qu'il est blanc. Et ce qu'il rejette, ce que vous voyez de moi, c'est tout ce que je ne suis pas. Et ce que vous voyez d'un autre, c'est effectivement ce qu'il n'est pas. Mais il y a autre chose. Il y a simplement que quand je touche le fauteuil, qu'est-ce que je perçois du fauteuil? J'ai des cellules sensorielles ici qui transforment le toucher en ondes électriques, disons bioélectriques, en dépolarisation neuronique. Ça vient jusqu'à mon cerveau où c'est retransformé en énergie vitale. Et là, mon âme est au courant. Alors, qu'est-ce que je connais du toucher du fauteuil? Finalement, rien. Est-ce que c'est ça l'illusion? C'en est une. Mais ce n'est pas grave. Quand on me donne une claque d'en face, même si c'est de l'énergie qui est à mon cerveau, transmutant, blablabla, je préfère recevoir un bec qu'une claque. Alors, on peut simplifier les choses. Même si ça reste de l'illusion, servons-nous-en. Alors, est-ce que parce qu'on est dans un monde où on perçoit par une mécanique très limitée le corps physique, c'est un monde d'illusion? Oui. Ne pensons pas que le monde s'arrête là. Et là, on se sert de l'illusion. Si on pense que ça s'arrête là, quelqu'un voit un fantôme, l'autre ne le voit pas, fait que lui, c'est un fou. L'autre est dans l'illusion. Si on pense que le monde s'arrête à la perception sensorielle, un instant. Un jour, j'étais totalement pas d'oreille, pas d'yeux, pas de nez, pas de goût, je touchais. Alors, je touchais l'univers. Puis j'avais une conception de l'univers absolument géniale. À un moment donné, je commence à goûter, donc à sentir. Puis là, je découvre un monde parallèle, intermédiaire, je ne sais pas. Bon, alors je découvre certaines personnes, puis je découvre des choses. À un moment donné, mes oreilles apparaissent. Là, j'entends ce que je touche. Alors le monde, là, tout est bouleversé, chambardé, là, ça ne marche plus. Tout ce que j'avais vu, puis ça. Puis à un moment donné, on me fait le coup de me donner des yeux. Je peux toucher à distance. Les couleurs apparaissent. Ce que j'avais visualisé, ben c'est pas ça pour tout. Et là, finalement, ben le monde semble merveilleusement vaste. Et le problème, c'est que parce que le corps ne peut pas développer plus, on pense que ça s'arrête là, le monde. Il y a des mondes parallèles. Et les mondes parallèles, le son est un monde parallèle. La lumière, ah, je vois, et là, je connais de mieux en mieux le monde. Mais il y a des mondes parallèles que l'être humain peut décoder, mais à partir de son corps vital, pas de son corps physique. Alors, l'illusion, c'est de penser que ça s'arrête là. Sinon, on va s'en servir. Moi, j'ai une illusion de faim et je bois une illusion ou je mange une illusion de steak. Puis j'ai une illusion après ça où j'ai plus faim. Bon, on peut s'amuser longtemps, mais je préfère carrément qu'avoir faim, manger mon steak, aller me coucher. Comment être spirituel sans être spirituel? En ne s'identifiant même pas à l'esprit, surtout si on veut attirer l'intelligence, vu que nous sommes les réceptacles. Bon, c'est une question qui est très importante. Comment être spirituel sans être spirituel? La question, je peux la poser d'une façon différente. Comment puis-je vivre un sentiment en face d'un être humain sans vivre d'émotion en face de l'être humain? Parce que l'émotion, l'amour psychologique, celle qui fait dire « Ah ben, c'est ses premières souffrances d'amour, c'est normal. » Celle qui fait dire « Tu m'aimes-tu? T'as pas l'air à m'aimer, tu t'ennuies pas quand je m'en vais, donc tu souffres pas. » Bon, ça c'est l'émotion. L'amour réel n'est pas une émotion, ça c'est la coloration. Comment puis-je vivre d'un amour intelligent sans vivre d'un amour psychologique? Comment puis-je trouver une fleur merveilleuse et pas souffrir quand on l'écrase? Comment puis-je être spirituel sans m'agenouiller, sans savoir ce que je fais, puis prier à tout bout de champ, puis peut-être placer mon énergie dans le monde de la mort, sans jamais m'en servir. La question, elle ne se répond pas comme cela. La personne qui pose la question, comment être spirituel sans être spirituel, elle a la réponse dans la question. Elle doit être spirituelle sans être spirituelle. C'est la meilleure réponse qu'elle peut se donner. Ça lui demande un petit peu de recherche, mais tant mieux. L'abrutissement pour l'abrutissement, je n'en veux plus. L'abrutissement n'existe pas, c'est l'illusion suprême, l'illusion jusqu'à l'illusion. Où est la réalité, sinon dans la constatation de l'illusion suprême qu'est l'évolution? L'évolution, une illusion. Le problème de l'abrutissement pour l'abrutissement, la personne n'en veut plus. C'est l'ego, l'anti-homme qui parle. L'aboutissement n'existe pas, c'est l'illusion suprême, l'illusion jusqu'à l'illusion. L'ajusteur de Pantin, un contact supramental ou un bon livre, lui a révélé cela. Où est la réalité, sinon dans la constatation de l'illusion suprême qu'est l'évolution? Jusque-là, elle a raison. L'évolution, une illusion? Oui. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui lui manque. L'abrutissement pour l'abrutissement, je n'en veux plus. L'aboutissement n'existe pas, c'est l'illusion suprême, l'illusion jusqu'à l'illusion. C'est que la personne, elle décode présentement, il y a comme une fièvre, elle décode qu'elle est un outil. Un outil dans lequel on a créé l'illusion de la conscience. Et c'est pourquoi cette conscience-là se prend au sérieux, croit avoir un libre-arbitre, croit être un créateur et dit qu'elle est un Dieu potentiel. Mais il y a quelque chose d'autre qui naît chez elle où elle peut maintenant aller boire un peu plus haut et elle décode que ça, libre-arbitre n'a pas. Du potentiel, mon œil. Et tout le kit. Le problème, c'est qu'elle a un œil sorti de la brume, puis l'autre ne l'est pas encore. Alors, elle voit dans la brume et elle voit au-dessus de la brume et le cerveau mélange les deux. Elle n'a pas encore tout vu. Qu'elle prenne patience, qu'elle continue à manger ses céréales. Et à un moment donné, elle verra juste un peu plus et elle pourra aussi faire comme je fais souvent, rire. L'homme, malgré que présentement il est suffisamment omnibulé pour ne pas trop savoir ou ne pas trop comprendre, il pose des questions dangereuses. J'ai déjà dit en conférence que le niveau évolutif de l'être humain pouvait se juger à sa capacité de supporter de l'ignorance. Pas à être ignorant, à poser des questions, être capable de continuer à les soutenir, même si elle n'a pas la réponse. Et quand un être humain claque, on dit capote, à ce niveau-là, la question, elle était à la limite de son évolution. Elle ne pouvait pas supporter le manque de réponse. Et la majorité des gens qui ne peuvent pas supporter le manque de réponse, c'est ceux-là qui vont inventer les réponses. Et on recrée de l'illusion. Alors, la personne ici, elle est en train de comprendre, elle pose des questions d'une façon géniale, il lui reste encore un petit peu de temps à faire, puis à un moment donné, bien, elle sortira un peu plus l'autre œil, puis elle verra. La personne va dire « Oui, mais je suis tanné! » Ça, c'est l'anti-homme. On est tout tanné, on n'a jamais le temps, hein? Si on lance une balle et que la Terre se garoche pour la rattraper, c'est donc la balle qui courbe l'espace-temps de la Terre et non la Terre, celui de la balle. Alors, c'est tiré d'une conférence que j'ai déjà faite, où je disais que lorsque je lance quelque chose dans les airs, il monte et il tombe. Mais qu'en réalité, je lance la chose dans les airs et il monte tout le temps. Et la Terre se déplace, elle rejoint la balle, elle se place en avant et elle empêche la balle d'aller plus loin. Alors, lorsque la Terre commence à se dégager, elle commence à prendre de la vitesse. Alors, on voit la balle ralentir. Et lorsqu'elle est rendue au même niveau, la balle est fixe. Et lorsque la Terre se place en avant, la balle semble se rediriger vers la Terre et accélérer. Et elle tombe sur la Terre. Le phénomène, c'est que... Bon, alors, c'est une conférence spéciale que j'avais donnée à ceux qui avaient fait le séminaire. Alors, je ne peux pas tout répéter pour qu'on comprenne complètement, parce que ça m'a pris 3 heures à l'expliquer. Si on lance une balle et que la Terre se garoche, c'est la balle qui coupe l'espace-temps de la Terre. Non. La balle coupe son propre espace-temps, la Terre coupe son propre espace-temps. La seule chose qu'on doit considérer, c'est que la Terre se rappelant la balle se rappelant la Terre, les deux vont nécessairement se diriger l'un vers l'autre. Si la balle va plus vite que la Terre, elle a une masse, et il faut comprendre que plus elle est massive, plus elle pourra se déplacer seule dans l'espace-temps. Et la vitesse maximale que la Terre peut se déplacer pour retrouver quelque chose qui s'échappe, c'est 11,2 km à la seconde. Une chose qui va plus vite que 11,2 km à la seconde et s'échappe de la Terre. Et on appelle ça la vitesse de libération orbitale. La diminution, qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce essentiel ou utile? Bon, il faudrait qu'on sache ce qu'on entend par diminution. Mais... si on prend l'exemple de diminution psychologique. La diminution psychologique, elle est utile. Mais elle n'est pas utile pour moi. Elle n'est sans doute pas utile pour vous. Il y a de l'intelligence sur la planète Terre. L'intelligence, ça se fout de l'homme. Il y a un principe d'amour sensitif, vibratoire. C'est pas l'amour psychologique qui est une copie, une coloration, l'ombre de l'amour intelligent. Cet amour-là ne se fout pas de l'homme, mais il n'est pas capable d'appliquer de l'intentionnalité. Et lorsqu'on a un cœur intelligent, lorsqu'on a de l'amour intelligent qui s'exprime, on règle un problème. Lorsque l'être humain vit, il ne peut pas comprendre toutes les choses parce qu'il se projette dans les choses, parce qu'il est relié par son âme dans le monde de la mort à une collectivité d'âmes sur le plan planétaire. Il est juste et bon qu'il y ait des famines en Éthiopie. Il est juste et bon qu'il y ait des tremblements de terre en Italie. Il est juste et bon qu'il y ait la guerre dans le golfe Persique. Il est juste et bon que le Nicaragua ait des problèmes. Et il est juste et bon qu'un jour, la côte californienne s'enfonce. Parce que pendant que ceux-là vivent ce genre de choses, ça permet à d'autres humains sur la planète de vivre mieux. Alors, il est bon dans une société qui avance qu'il y ait des alcooliques, qu'il y ait des drogués, qu'il y ait des prostituées, qu'il y ait des personnes qui se suicident, qu'il y ait des crimes, des viols et des vols. C'est juste et bon. Parce que ça permet aux autres humains de vivre plus riches, plus heureux, de se conscientiser, de voir mieux, de pouvoir aller à l'église, d'avoir moins de problèmes. Et là, on va dire, oui, mais c'est juste et bon, franchement. C'est juste et bon, tant que c'est pas moi. Bon. Et je suis sérieux. C'est juste et bon aussi, tant que c'est pas vous. Alors, on va dire, oui, mais pourquoi eux autres? Parce que quelqu'un devait passer par là. Pourquoi? Parce que pendant qu'il attire dans sa condition de vie des manipulations karmiques, des phénomènes qu'on appelait sataniques, pendant qu'il attire vers lui des forces d'involution et qu'il les canalise dans l'expression, parce qu'il est un canal parfait pour exprimer cela, il vous empêche, il vous libère tous, et vous avez maintenant moins de tentations de manipulation involutrice, et nécessairement vous êtes mieux. Sauf que dans le monde de la mort, par un processus que j'ai déjà expliqué sur lequel je vais revenir, j'en parle énormément en séminaire, c'est plus facile toujours, le phénomène de la réincarnation pluralitaire, à un moment donné, vous qui avancez mieux que ceux qui avancent apparemment moins, ceux-là vont se réincarner d'ailleurs chez vous, et vous allez vous fusionner avec eux autres, et finalement, ça va continuer à marcher. Dans une famille, il y en a un brillant, un moins brillant. Pourquoi? Lui, il ramasse le karma familial pour que toi, tu ramasses le karma blanc familial. Oui, mais c'est pas juste. Pas question de justesse là-dedans. Il est question d'intelligence. Moi, je dois sortir l'automobile de l'usine, puis toi, tu es un de ceux qui pose les freins. Oh, mais c'est pas juste. Pas question de justice. Il est question qu'on doit fabriquer des automobiles. Et présentement, l'humain est confiné à fabriquer des corps physiques pour supporter de l'intelligence. Et dans la majorité des personnes du contexte nord-planétaire, l'intelligence est de plus en plus présente. Et parce qu'elle est présente, elle engendre des souffrances neuves. Alors, on a parlé de certaines questions, le goût de rien faire, et patati patata, regardez la jeunesse, regardez beaucoup de personnes, ce sera pas long, reste au micro chez toi. Vas-y. Okay. Si ma conscience me montre l'illusion, c'est qu'elle est en dehors du temps, car l'illusion est créée surtout par le temps. La conscience est donc extraterrestre. Est-elle bouddhique, divine ou créationnelle? La conscience est extra-créationnelle, elle n'est pas extraterrestre. Elle est par le fait même extraterrestre, mais elle est extra-bouddhique, extra-divine, extra-créationnelle. La conscience de l'homme, c'est la seule chose qui est libre. Sauf qu'elle vient s'exprimer par des facteurs qui sont manipulés. Manipulés de façon à ce que les facteurs ne puissent pas vouloir avoir plus de conscience que ce que ces mêmes facteurs-là peuvent endurer. Alors, la conscience, c'est un phénomène extra-créationnel. La coloration ou la copie la plus conforme de l'intentionnalité, c'est le plan divin. Et ce qui, du plan divin, touche à l'homme et qui est le plus parfait, c'est l'ajusteur de pensée qui permet le contact avec le plan supramental. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler Dieu? Ouais. Donc, c'est au-dessus de la création? Ouais. Puis on appellerait ça comment? Comme tu voudras. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on... Est-ce que c'est cette conscience qui fait qu'on rejoint ce que tu disais, la trace originelle? Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a dans la conscience... Est-ce qu'il y a de la conscience dans l'astral? Oui, il y a de la conscience dans le monde de la mort, mais cette conscience, elle est morte. C'est-à-dire que c'est de la mémoire de conscience. Exemple. Je prends un ordinateur et je le pitonne, je mets plein d'informations là-dedans. Je lui donne une caméra, donc un œil, pour pouvoir voir. Il rend numérique ce qu'il perçoit et il le rentre dans sa mémoire. Je lui donne des capteurs pour détecter la chaleur et le froid. Je lui donne des capteurs pour détecter la pression. Alors maintenant, il peut prendre un verre léger et mettre plus de force dans un verre pesant. Et je le laisse libre maintenant d'aller dans l'univers. Il se promène sur la Terre et tout ce qui se passe, il l'enregistre. Lentement, il s'approche d'un homme ou d'une femme qui est appelée sage. Et il va dialoguer avec. Et la sagesse, il la mémorise au complet. La nuance entre lui et l'homme, c'est qu'il est tellement plus parfait que l'homme dans sa structure mémorielle. La mémoire n'est qu'électronique, elle n'est pas astrale. Donc, sa mémoire n'est pas manipulable par une conscience évolutive reliée au monde de la mort. Donc, notre ordinateur, notre robot, aura la faculté de se rappeler immédiatement ou presque, à la vitesse du déplacement des électrons dans sa mémoire, les choses qu'il aura mémorisées, tandis que l'homme devra, lui, faire des efforts, il les aura oubliées, il les cherchera, il n'arrivera pas à être aussi efficace. Notre ordinateur, qui maintenant a rencontré plusieurs sages, a l'illusion de sagesse. Et si on lui demande « Qui es-tu? », il répondra « Mais je suis un homme comme vous. As-tu une conscience? » « Ben voyons donc, j'ai une conscience, c'est sûr. Ça, c'est une fleur qui est belle. » Cataloguée belle, comme l'homme aussi a appris. Alors, dans le monde de la mort, il y a une conscience morte, la mémoire de la conscience, comme le robot pourra l'avoir s'il est suffisamment programmé. Donc, il y a de la conscience dans l'astral, elle n'est pas nuisible à l'homme, elle est nuisible à l'homme seulement lorsqu'elle vient dire à l'homme « Tu es inférieur à moi. » L'homme doit être son seul maître du point de vue de ses facteurs d'évolution. Comment faire pour ne pas informer l'astral de nos projets futurs? Si ton projet ne provient pas du monde astral et qu'on ne t'a pas manipulé pour que tu l'accomplisses, eh bien, moins tu en parles, moins l'astral sera au courant. Il y a des hommes d'affaires qui connaissent cela. Il y a une idée géniale. Puis s'il en parle à 3, 4, 5 personnes, à un moment donné, quelqu'un d'autre fait l'idée devant lui. Ils ne se connaissent pas. Bien, c'est ça. L'astral est informé. Le gars, il va peut-être prier à l'église. À un moment donné, bien, Dieu, il donne cette idée-là. Et puis, il l'applique avant toi. Si je fais votre séminaire, vais-je comprendre le rôle de l'homme, mon rôle et la raison de l'univers? Si tu as réussi à comprendre la multiplication et la division à l'école, il y a des chances que tu puisses comprendre aussi dans le séminaire. Si vous me garantissez la matière de base, je vais vous garantir le résultat. L'émotion nous aide-t-elle à passer au travers des champs vibratoires ou nous bloque-t-elle? Bon. L'émotion, c'est un facteur absolument essentiel de l'évolution du corps. Antiquement, l'émotion était l'expression de Dieu. Qu'est-ce qui différenciait l'homme de l'animal était son facteur émotif. La faculté d'être capable, non pas d'aimer une chose, mais de souffrir de la voir partir. Qu'est-ce qui différencie l'homme? Est-ce que c'est l'émotion ou la capacité qu'il a de souffrir, de ne plus être capable de la nourrir, l'émotion? C'est sa souffrance qui différencie l'homme. Alors, l'homme qui est capable d'aimer une chose et qui n'est pas dérangé lorsqu'on la détruit, on dit qu'il n'a pas de cœur. Mais l'homme qui n'est pas capable d'aimer une chose et qui se met à pleurer si on la détruit, on dit « Ah, il a plus de cœur qu'on pensait ». Alors, qu'est-ce qui différencie l'homme du reste? Ce n'est pas sa capacité d'aimer, c'est sa capacité de souffrir. Mais la souffrance est une condition qui gère l'évolution des masses, des troupeaux. La souffrance est une condition qui gère l'évolution de l'animal humain, du corps physique. Pas du corps amique, pas de la psychologie. La psychologie souffre de façon à pouvoir sécréter dans le corps. Il y a chez l'homme autre chose que la psychologie. Lorsque on regarde, bon, l'émotion, ça nous aide à passer à travers des champs vibratoires où ça nous bloque. L'émotion aide et bloque. Si on a encore de l'émotion, c'est qu'on a encore besoin de l'émotion pour nous cellulariser, pour muter notre corps. Cela nous permet d'ouvrir des consciences à travers des mondes parallèles. Si on a de l'émotion et qu'on en souffre, c'est parce qu'elle mute quelque chose chez nous. Et la capacité de l'homme étant d'évoluer, et l'homme a toujours évolué par la souffrance, et l'émotion, finalement, c'est la souffrance qui est réellement son point, son facteur très important. L'émotion nous aide tant qu'on en a, et lorsque finalement on a une émotion, puis on dit « maudit que c'est con », bien là, il est temps que l'être humain commence à intelligencer sa vie et il doit ne plus se laisser manipuler par le facteur émotif. Dans le facteur émotif, il y a une expression manipulatrice qui assujettit les collectivités ensemble. Et souvent, on me posait la question, est-ce que c'est une autre dimension? Non. J'ai toujours répondu, c'est un monde parallèle. On a beaucoup posé des questions sur le monde parallèle. La semaine prochaine, on va parler des mondes parallèles. Dans le facteur émotif, il y a aussi différents mondes parallèles. Il y a des choses qui viennent manipuler la masse humaine pour qu'elle fasse une chose. À l'intérieur de cela, il y a un autre monde parallèle avec lequel l'humain peut entrer en contact. Par le rêve, par la voyance, par l'intuition. Et il y a différents paliers à travers cela qui font en sorte qu'à un moment donné, on est heureux. À un moment donné, on se lève, on est malheureux. À un moment donné, on a plein d'idées. À un moment donné, on n'en a plus pantoute. On est connecté à certains plans différents. Alors, la semaine prochaine, on parle des mondes parallèles. Si vous êtes dans le monde parallèle qui s'appelle la planète Terre et ça vous tente de venir, c'est bienvenu. En attendant, il y a un mini-boss qui va vous transporter. Je ne sais pas où. Je vais vous rassurer, c'est au métro Cremazie. Donc, on a encore quelques minutes devant nous pour...